Il fait son siap 1. Je suis petit, ça. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc, nous sommes arrivés à la sourate Al-Layl. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal-Layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Donc, les trois premiers versets sont un serment, de nouveau. Wal-Layli idha yaghsha, par la nuit, je jure par la nuit, lorsqu'elle recouvre. Lorsqu'elle recouvre, c'est-à-dire le monde avec son obscurité. Donc, yaghsha, c'est le mudari' de Rachia, qui veut dire recouvrir. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ, et par le jour. النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ. تَجَلَّ, ça signifie, c'est comme quelque chose, s'il est caché, puis il apparaît. يَا تَجَلَّ, c'est-à-dire il se montre. Donc, وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ, et je jure par le jour lorsqu'il apparaît, lorsqu'il se montre. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, et par ce qui a créé. Donc ici le ma, bien sûr, en apparence ça veut dire ce qui, mais son sens c'est man, comme dans Surat al-Shams la dernière fois. Donc, et par celui qui a créé الذَّكَر, le mâle, وَالْأُنْثَى, la femelle. Donc ici ma signifie man, on avait déjà expliqué, et la même explication qu'on avait donnée la dernière fois on peut la donner ici, c'est-à-dire que ici ça peut vouloir dire wa khalqi dhakari wal untha, je jure par la création du mâle et de la femelle, ou par le celui qui a créé le mâle et la femelle. Donc de nouveau Allah jure ici par les grands signes de la création qui sont la nuit avec tous les intérêts qu'elle renferme pour les êtres humains et les créatures en général, le jour avec tous les intérêts qu'il comporte pour les créatures en général, et par, on le retrouve souvent, le mâle et la femelle. Donc souvent on retrouve qu'Allah jure par les choses qui sont opposées, parce que dans les opposés il y a des signes, notamment le fait qu'Allah a créé dans chaque espèce un mâle et une femelle et il les a guidés l'un vers l'autre, de sorte à assurer la continuité de l'espèce en question, comme les êtres humains. Donc tout ça c'est le qasem, c'est le serment. Maintenant sur quoi est-ce qu'Allah a juré ? Inna sa'yakum la shatta. Sa'i, ça signifie en arabe l'œuvre, l'action, l'effort. Inna sa'yakum, certes votre effort, votre œuvre, en fait ici ça signifie vos œuvres, bien sûr. La shatta, shatta ça signifie divers, différents, multiples. Donc sa'yakum, ici le mot sa'i, on a dit il est au singulier, mais il est mudaf, sa'yakum, votre votre effort. Et dans ce cas-là, le mudaf, il peut vouloir dire un pluriel. D'accord? Ça, on le retrouve maintes et maintes fois. Donc, en apparence, c'est un singulier. Mais dans le sens, c'est un pluriel. C'est comme quand Allah dit par exemple « Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha » Si vous cherchez à compter « ni'mat Allah », comment on traduit « ni'mat Allah » Le bienfait d'Allah ou les bienfaits d'Allah? On ne peut pas traduire par « le ». Les bienfaits d'Allah. Mais en apparence, « ni'ma » c'est singulier. Mais son sens, il est pluriel. Donc un mot, quand il est annexé en arabe, au singulier, il peut vouloir dire un pluriel, mais on peut le laisser au singulier, dans sa forme. Donc comme ici, sa'yakum, c'est-à-dire vos efforts, vos œuvres, ou vous les êtres humains, sont très divers. Ils sont extrêmement divers, entre le croyant, celui qui ne croit pas, celui qui œuvre, celui qui n'œuvre pas, etc. Donc ensuite, Allah, justement, détaille, ou plutôt, donne deux exemples de sa'y, d'œuvres. Fa'amma man a'ta wa taqa. Quant à celui qui arta, qui donne ici, ça signifie qui donne tout ce qui lui est obligé ou recommandé de donner. Ça peut être la zakat, ça peut être les aumônes en général, ça peut être le fait d'aider les pauvres, les orphelins, etc. Ça peut être le fait d'aider la mosquée. Tout ce qu'on peut donner qui est obligatoire ou qui est recommandé. Wattaqa. Ittaqa, qu'est-ce que ça signifie à la base en arabe ? Se protéger contre quelque chose, éviter quelque chose. Ittaqa. Si par exemple quelqu'un lance des pierres et toi tu fais ça, ittaqait. C'est ça, ittaqa. Donc ici, ittaqa, c'est-à-dire wattaqa, et il a évité ce qui est interdit. Donc il donne de ce qui est recommandé ou de ce qui est obligatoire et il s'abstient de ce qu'Allah a interdit. Wa saddaqa bil husna. Saddaqa, qu'est-ce que ça veut dire en arabe ? Plus ou moins, croire, voilà, sadaqa c'est croire. Si je te donne une information et que tu y crois dans le sens où tu dis elle est vraie, sadaqtani, tu m'as entre guillemets sadaq. Wa sadaqa, donc et qui croit, on va traduire par et qui croit, bil husna. Al husna c'est le féminin de al ahsan. Al husna c'est-à-dire la meilleure. Quel est le husna ici? Il y a trois interprétations chez les mufassirines. Que veut dire ici le husna? Même si ces trois interprétations, quelque part, elles sont liées les unes aux autres. Et on va citer ce que l'imam al-Tabari a choisi, rahimahullah. Certains ont dit le husna, c'est la ilaha illallah, parce que c'est la meilleure parole. C'est-à-dire qu'il croit en la ilaha illallah. C'est un monothéiste, un muwahhid. D'autres ont dit le husna, comme c'est souvent dans le Coran, le husna signifie le jannah, c'est-à-dire la meilleure récompense. Donc c'est le paradis. Donc il donne et il craint les interdits, il évite les interdits parce qu'il croit au paradis. Et d'autres disent al-husna ici, a un sens différent de celui qu'on lui trouve d'habitude dans les versets du Coran, qui est al-khalaf min Allah, ou al-khulf, je ne sais plus si on dit al-khalf ou al-khulf. C'est-à-dire le fait qu'Allah yukhlif, quand tu dépenses, il te rend, il remplace, il récompense ce que tu, il récompense les dons et les dépenses. Donc lui, il donne et il croit en ça. Il donne parce qu'il croit au fait qu'Allah, et il est certain du fait qu'Allah rend ce que tu dépenses dans son sentier. Et c'est ça qu'a choisi l'imam al-Tabari, rahimahullah, comme explication ici. Pourquoi? Parce que c'est ce qui correspond au contexte des versets. Puisque quand on regarde les versets, il parle beaucoup de sadaqa, du fait de donner, a'ta, et à l'inverse de ne pas donner. Donc ici, ça parle de celui qui donne en étant certain qu'Allah récompense les sadaqat, récompense les dons, les aumônes et toutes les dépenses qu'on fait pour avoir sa satisfaction. Donc le premier, la première catégorie de personnes qu'Allah a citées, quelles sont ses caractéristiques? Il donne, on a dit, les dons recommandés ou obligatoires, il évite les interdits et il croit au fait qu'Allah récompense les dépenses. Celui-là, quel est le résultat? Fasanu yassiruhu liyusra. Nous yassiruhu, c'est-à-dire nous allons lui faciliter al-yusra, la plus facile. Que veut dire la plus facile? Bien, c'est général, la voie la plus facile. C'est-à-dire qu'Allah va lui faciliter non seulement les choses de la vie d'ici-bas, ou dans le sens où même si il peut connaître des malheurs, mais comme il va avoir la foi, Allah va l'assister. Et également, il va lui faciliter la religion. Il va lui faciliter l'apprentissage de sa religion, la pratique de sa religion. Et le chemin du paradis va lui être facilité. Donc, parfois quand on trouve des difficultés, cette sourate, elle donne une grande réponse à la question qu'on se pose tous. Parfois quand on a des difficultés dans la religion, on a du mal à œuvrer, eh bien, à qui Allah a promis de faciliter, a'ta wa taqa. Il faut donner et il faut également ittaqa. La base, c'est d'éviter ce qu'Allah a interdit. Avant même de penser à ce qu'il faut faire. Éviter ce qu'Allah a interdit. Ça aide à ce qu'Allah, lui, facilite la bonne voie. Donc on voit que celui qui fait cet effort, eh bien après Allah le guide et lui facilite la bonne voie. Une autre catégorie, qui est l'extrême opposé, « Wa amma man bakhila wa starna wa kadhaba bil husna » Et quant à celui qui, donc c'est l'inverse, « bakhila », il se montre avare, c'est-à-dire il ne veut pas donner. « Wa starna », « istarna », qu'est-ce que ça signifie « istarna » C'est se considérer comme « rani ». Et le « rani », c'est celui qui n'a pas besoin. « Istarna » yani « anillah wa ta'ati ». Istarna, ça veut dire qu'il se croit, il se voit comme n'ayant pas besoin d'Allah ni de lui obéir, ni de l'adorer. Istarna anillah. C'est-à-dire qu'il ne considère pas qu'il est dépendant d'Allah, qu'il est pauvre vis-à-vis d'Allah et qu'il a besoin de lui. Istarna, c'est-à-dire qu'il lui tourne le dos et il considère qu'il n'a pas besoin d'Allah. Donc il ne l'adore pas, il ne lui obéit pas. Wa kadhaba bil husna. Et qui dément al-husna. Il dément le fait qu'Allah donc rende les récompenses à ceux qui dépensent, ou il dément la ilaha illallah, ou il dément le paradis. Les trois sont liés de toute façon. Donc celui-là, son résultat est, dans le dixième verset, fasanu yassiruhu lil usra. C'est le contraire. Nous allons lui faciliter la voie la plus difficile. C'est-à-dire qu'Allah va l'égarer. Et il va même lui faciliter et le mener aux choses qui sont mauvaises. Il va lui faciliter un environnement mauvais et des actions qui sont mauvaises, qui vont l'éloigner encore plus de la miséricorde d'Allah. Donc, pourquoi ? Parce que c'est lui-même qui a voulu ça. C'est lui qui s'est détourné. Et donc Allah, lui l'enfonce dans son égarement. Ensuite, Allah dit « وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ » On le trouve souvent ça dans le Coran. « يُغْنِي عَنْهُ » ça veut dire en gros lui servir. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ et ça ne lui servira à rien. Quoi donc ?« مَالُهُ » ce qu'il possède. Le mal, c'est ce qu'il possède. Que ce soit les biens matériels, l'argent, etc. Donc tout ce qu'il a amassé et qu'il ne voulait pas dépenser ne lui servira à rien. Quand ?« إِذَا تَرَدَّ » Taradda, Mujahid disait, ça signifie Ida halaka, quand il mourra. Mais c'est-à-dire taradda, il peut avoir ce sens dans la langue arabe, mais c'est un sens qui est rarement utilisé. Et le sens le plus connu de taradda, c'est hawiya, c'est-à-dire il, entre guillemets, dégringolera, tombera, chutera. Donc ses biens ne lui serviront à rien quand il chutera, c'est-à-dire quand il s'enfoncera et chutera en enfer. Ça, c'est l'explication de la plupart des salafis. Ils l'ont expliqué de cette façon. C'est-à-dire que lorsqu'il dégringolera en enfer, eh bien, ses biens qu'il a refusé de dépenser ne pourront pas le sauver à ce moment-là. Ensuite, Allah dit « Inna alayna lal-huda » C'est à nous, c'est-à-dire à Allah, puisqu'Allah parle en disant « nous » dans le Coran, c'est à nous qu'incombe « al-huda ». Al-huda, ça signifie le fait de guider. Donc qu'est-ce que ça signifie ici? Le fait de guider, ça peut avoir deux sens. Ça peut vouloir dire le fait de montrer les choses, comme lorsqu'Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim » Certes, tu guides vers un droit chemin. Donc Allah a affirmé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il guide. Dans quel sens? Dans le sens où il montre les choses aux gens. Et dans ce sens-là, tout héritier du prophète, tout musulman peut guider, dans le sens où il montre les choses. Et dans un autre verset, au contraire, Allah lui dit « Innaka la tahdi man ahbabta » Tu ne guides pas qui tu aimes. Donc dans un verset, il lui dit « Tu guides » et dans un autre, il lui dit « Tu ne guides pas ». Ça veut dire que parfois, le fait de guider peut avoir plusieurs sens. Un de ces sens, c'est montrer, enseigner, appeler. Ce sens-là, l'être humain le possède, il peut guider. Dans ce sens. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit, tu guides. Et l'autre sens, c'est at-tawfiq, c'est-à-dire faire que le cœur de l'être humain soit guidé et le rendre croyant, et ça, il n'y a qu'Allah qui le possède. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ne le possède pas. Donc, et Al-Huda, ici, les salafs qui ont expliqué ce verset, l'expliquaient par la première façon, c'est-à-dire, c'est à Allah qu'il appartient de montrer. Mais ici, montrer dans quel sens? Montrer ce qui est halal de ce qui est haram. Montrer le droit chemin de ce qui est mauvais. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'être humain d'inventer ce qui est halal et ce qui est licite et ce qui est illicite, et d'inventer le vrai chemin du faux. C'est à Allah de le faire. Et ensuite, l'être humain, il l'apprend, il peut le montrer aux autres. Et c'est à nous qu'appartiennent plutôt la dernière et la première. L'akhira, c'est-à-dire la vie dernière, la vie future, et la première. Quel rapport entre ces versets et les versets précédents? C'est notamment le fait de montrer que celui qui s'abstient de dépenser, bien qu'il sache que de toute façon, le monde appartient à Allah. Ses biens eux-mêmes appartiennent, lui et ses biens, ils appartiennent à Allah. Donc ça ne lui sert à rien d'être avare, puisque dans l'au-delà, il va revenir vers Allah, et Allah a tranché qu'il récompenserait ceux qui dépensent. Ensuite, Allah dit « فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى » Je vous ai donc averti d'un feu « تَلَظَّى » qui, je ne sais pas comment on peut dire en français, qui, entre guillemets, qui brûle ou qui est... Qui flambe, voilà, exactement. « فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى » Donc Allah nous dit qu'il nous a averti contre le feu, pour que les êtres humains se réveillent et qu'ils agissent. « لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى » Nul n'y brûlera autre que le plus malheureux, Al-Ashqa. Al-Ladhi kazzaba wa tawalla, qui a démenti et qui s'est détourné. Donc regardez ici comment Allah a qualifié le malheureux. Al-Ladhi kazzaba wa tawalla. Par deux choses. Kazzaba, c'est-à-dire au niveau de la croyance, kazzaba, il n'a pas cru. Il n'a pas cru soit en Allah, soit en ses anges, soit en ses messagers, soit en ses livres, et principalement au Coran. Il n'a pas cru en son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou il n'a pas cru au destin, ou il n'a pas cru à la vie future, c'est-à-dire au pilier de la foi. Wa tawalla. Tawalla également, c'est kazzaba, c'est ici. Tawalla, c'est à l'extérieur. Tawalla, c'est-à-dire que quand on lui dit ceci est haram, il ne le prend pas en considération, il le fait. Quand on lui dit que ceci est un ordre d'Allah, il s'en fiche et il ne le fait pas. C'est-à-dire il se détourne de ce qui est prescrit dans la religion. Donc kazzaba, c'est du point de vue de la croyance, et tawalla, c'est du point de vue des œuvres. C'est-à-dire le fait qu'Allah est obligé des choses et interdit d'autres choses, il ne l'a pas pris en considération. Il s'en est détourné. Donc celui-là, c'est celui-là qui sera destiné à ce feu dont Allah nous a avertis. Ensuite, Allah dit, en parlant de l'extrême opposé, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Et en sera écarté, donc jannaba, ça veut dire écarté. Donc, wasa yujannabuha. Yujannabu, et le ha, il renvoie à qui? Le feu. Le feu, le nar, qui a été cité juste avant. Parce que le mot nar en arabe, il est féminin. Donc, yujannabuha, il en sera écarté, qui ça? Al-atqa. Al-atqa, donc c'est le tafdil de taqi. Taqi, ça veut dire celui qui craint, le pieux. Donc, al-atqa, le plus pieux. Alladhi, et Allah décrit ici qui est le plus pieux. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Celui qui donne ses biens en se purifiant, pour se purifier. C'est-à-dire que il donne ses biens avec cette intention de se purifier de ses péchés. Et donc ça montre sa sincérité dans ses dépenses et le fait qu'il dépense dans les bonnes voies. Parce que quand bien même il serait sincère, s'il dépense dans les mauvaises voies, ça ne le purifierait pas. Donc il dépense dans les bons sentiers, les bons chemins, et il le fait pour se purifier de ses péchés. Et les derniers versets sont très, très importants. Allah dit, pas important, je voulais dire très, il y a quelque chose de grand dedans. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. C'est triste, combien de fois on récite ces versets? Sur la telle, je pense que vous la connaissez tous. Non? Combien de fois on récite cette sourate où on l'entend Et malheureusement, on n'a pas cherché le sens. Alors que le sens, quand même, ce verset, il doit attirer notre attention. Que veut dire Wama li ahadin? Wama li ahadin, c'est-à-dire personne n'a, et indahu, chez lui, min ni'matin, de bienfait, tujza, à récompenser. Est-ce que ça signifie que les gens, ils n'ont pas à le remercier, ou est-ce que c'est lui qui n'a pas remercié les gens? Donc, wama li ahadin. Donc, c'est les autres. Personne n'a vis-à-vis de lui un bienfait, hein, c'est-à-dire un ascendant en fait. Un bienfait, tujza, que lui devrait remercier. Mais quel rapport avec ce verset et celui d'avant? Et ensuite, Allah dit illa btira awajihi rabbihil a'la. Si ce n'est pour rechercher le visage de son Seigneur, al-a'la, le plus haut. Al-a'la, c'est un des noms d'Allah, le plus haut, qu'on avait vu dans Sabbihisma rabbikal a'la. Ça signifie que lorsqu'il dépense, il ne le fait pas parce qu'il est redevable vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'il se peut que des gens lui aient fait du bien. Et que donc, ben, ils doivent ou ils se voient comme devant dépenser pour eux. Ils se voient redevables. Mais lui, il n'a pas de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a un bienfait sur lui. Pourquoi? Parce que tous les bienfaits que les gens lui ont fait, il les a rendus, déjà au préalable. Soit par un équivalent, ou soit encore mieux, ou soit par, quoi encore? Comment on peut rendre un bienfait? Dua, comme on va le voir dans le cours de hadith justement, et on a hadith sur ça aujourd'hui. Donc lui, c'est quelqu'un qui, c'est-à-dire, il ne demande rien aux gens. Et chaque fois que quelqu'un lui rend service ou lui fait un bien, eh bien, il le rend également. Ça fait partie de la perfection du musulman et la dignité du musulman et des qualités du croyant. Donc à la fin, quand il dépense, c'est jamais parce qu'il est redevable. C'est juste pour Allah et purement pour Allah. Il n'y a jamais rien d'autre dedans. Il n'y a pas le fait que, par exemple, il dépense pour Allah, mais en même temps parce que lui, une fois, il m'a rendu service. C'est purement pour le visage d'Allah. Quant au service, tout ça, il l'a déjà rendu. Et Allah dit ensuite, wala saufa yarda, et bientôt il sera satisfait. C'est-à-dire celui-ci, Allah bientôt va le satisfaire dans l'au-delà, par ses récompenses. Il est connu dans le tafsir, et il est rapporté de plusieurs... Il y a plusieurs versions qui rapportent que ces versets ils ont été révélés à propos d'Abu Bakr, radiallahu anhu, qui était le meilleur membre de cette communauté après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Abu Bakr, radiallahu anhu, donc on sait que c'est le premier homme à être entré dans l'islam, et parce que, eh bien justement, à la Mecque, par quoi est-ce qu'il s'est distingué? Notamment, c'est par les dépenses. Il dépensait énormément. L'histoire la plus connue, c'est lorsqu'il a libéré Bilal, par exemple. Mais ce n'est pas la seule dépense qu'il ait faite dans le sentier d'Allah. C'est lui, avant la bataille de Tabouk. Vous connaissez tous le hadith, quand Abu Bakr il a dépensé tous ses biens et Omar à la moitié. Hein? Omar il est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec la moitié de ses biens. Et il a trouvé qu'Abu Bakr, lui, il avait tout donné. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Qu'est-ce que tu as laissé à ta famille ?» Il a dit « Allah wa Rasoulou, Allah est son messager. » Dans le sens où lui, on sait que, il faut toujours l'expliquer ce truc-là pour ne pas faire n'importe quoi, c'est qu'Abu Bakr, c'était un commerçant. C'est-à-dire que le lendemain, il va aller au marché, il va refaire de l'argent. Alors que Omar, lui, il était plutôt dans le travail. On sait qu'il cultivait. Donc quelqu'un qui cultive, s'il donne tous ses biens, avec quoi il va nourrir sa famille? Donc ça, c'est interdit. Il ne peut pas donner fisabilillah et laisser sa famille. Mais Abu Bakr, il avait une telle confiance et l'occupation qu'il avait lui permettait ça. Parce qu'il sait que le lendemain, il va gagner de nouveau. Une telle confiance en Allah qu'il avait, il avait tout donné. Mais ça, c'était à quel moment? C'était à la bataille de Tabouk. C'était avant la bataille de Tabouk, qui était une bataille très importante dans la Sira, qui était donc dirigée contre les Roms. Donc une nouvelle force auxquelles les musulmans devaient s'attaquer, c'est-à-dire les Byzantins, qui était l'empire le plus puissant à ce moment-là. Et donc ils avaient énormément besoin de dépenses pour cette bataille. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, c'est là qu'il a dépensé tous ses biens. Donc ça c'est pour donner quelques exemples qui montrent comment Abu Bakr dépensait de ses biens. Et on observe ici qu'Allah a dit, donc si ça parle d'Abu Bakr, que nous dit le verset? Qu'Abu Bakr il est redevable envers personne. Mais qu'en est-il du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on peut dire qu'Abu Bakr ne lui est pas redevable? Eh bien, dans les choses d'ici-bas, oui, on peut dire qu'il ne lui était pas redevable. C'est-à-dire, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas quelque chose envers Abu Bakr qu'Abu Bakr ne lui ait pas rendu. Et au contraire, le prophète, il témoignait pour Abu Bakr qu'il lui était redevable. C'est-à-dire que personne ne l'avait aidé avec ses biens et sa personne comme l'avait fait Abu Bakr. C'est pour ça que, regardez la précision du Coran. Le verset, il dit bien « Min ni'matin tujza ». Ça veut dire quoi « jaza » en arabe ? Ou « jaza » C'est rendre, rendre l'appareil. Donc Allah dit bien qu'il n'a pas envers qui que ce soit un bienfait qui doit, qui tujza, qu'on peut rendre. Par contre, si on parle des bienfaits qu'on ne peut pas rendre, ça il en a, Abu Bakr. Quel est ce bienfait qu'il ne peut pas rendre ? L'islam. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à remercier au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a tout à remercier au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais de toute façon, ce bienfait-là qui est da'wa, le fait de l'avoir appelé à l'islam, ça, il ne peut pas le rendre. Donc le verset, il parle de ce qu'il pourrait rendre, c'est-à-dire les choses matérielles. Ça nous montre qu'Abu Bakr, en fait, c'était quelqu'un qui aidait énormément, mais il ne demandait jamais rien. Même une dua, il ne l'a jamais demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et avant la bataille de Badr, quand il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de prier, il l'a demandé pour l'ensemble des gens, pas pour lui. Il n'a jamais demandé au prophète de prier pour lui. C'est-à-dire, s'il voulait prier, il levait ses mains et priait. Tellement son lien et sa confiance, elle était forte entre lui et Allah. Donc, effectivement, il n'était redevable de rien envers personne, pas même envers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux le remettre dans la tête. Donc, ça, c'était pour la sourate Al-Layl. Donc, il nous reste deux sourates. Parce que pour ceux qui ne venaient pas auparavant, donc là, ça fait quelques semaines qu'on a commencé ce programme de trois cours. Mais avant ça, on faisait déjà le tafsir. Et on avait commencé par Surat At-Tin. Et on avait terminé jusqu'à la fin. Donc, j'ai pas envie de le refaire, parce qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui ont suivi ces cours-là, donc on va pas les refaire. Donc on va repartir à Surat Amma Yatasa'alu. Donc, le dernier hizb, ça, il reste un cours, Inch'Allah, la semaine prochaine, et c'est terminé. Donc on va repartir au hizb précédent, c'est-à-dire à partir de la Surat Amma. Donc on passe au cours de fiqh. On est arrivé à Makruhat al-Wudu. Donc encore une fois, qui a été lire un peu dans le tafsir, en dehors des cours. Bien, t'as vu, t'as regardé dans quoi? J'ai téléchargé deux armes. Deux. Et j'ai fait de Tayyar, non? Ouais, ça a des Tayyar. J'ai fait des audios de Facette Tabari, lui qui prend. Nous, j'ai c'est détaillé. Mais de Tayyar Tabari, ouais. Ça va être un peu... Ouais, c'est costaud. Enfin, c'est détaillé. Ah, c'est détaillé, ouais. En fait, parce qu'il va citer des qawaïd et tout ça, ça va être un peu costaud. Mais bon, tu prends ce qu'il y a à prendre. Sinon, il y a aussi Khalid As-Sabt. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Khalid ibn Uthman As-Sabt. Si vous pouvez aller sur son site, il a fait le tafsir de... Je crois tout le Coran, ou une grande partie du Coran, à travers différents livres, notamment Ibn Kathir. Et ces cours, ils sont à la fois audio et retranscrits. Allez en profiter. Alors, makruhatul wudu, les choses qui sont détestables dans l'wudu. Donc, le makruhat, on a dit, on a déjà expliqué, c'est les choses qui sont déconseillées, mais qui ne sont pas un péché, c'est pas haram, c'est juste déconseillé. Donc, il dit ici, rahimahullah, min makruhatil wudu, awwalan, التوضؤ في المكان النجس لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة. Premièrement, il dit donc faire les ablutions dans un endroit qui est mutanajjis ou najis, qui est souillé par l'impureté. De peur qu'avec l'eau qui tombe, avec les éclaboussures ou quoi que ce soit, il y ait de l'impureté qui éclabousse sur son vêtement ou son corps. ثانياً الزيادة على الثلاث لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال من زاد فقد أساء وظلم رواه النسائي. Deuxièmement, le fait de faire les ablutions plus de trois fois. Donc il faut bien expliquer qu'est-ce que ça veut dire plus de trois fois. Ça ne veut pas dire prendre l'eau trois fois. Parfois on peut prendre l'eau trois fois pour faire une fois. Par exemple, si je prends le bras droit, le laver une fois, c'est faire passer l'eau sur tout le bras. Donc ça peut me demander de prendre l'eau plusieurs fois. Donc on ne parle pas de prendre l'eau plus de trois fois, on parle de laver plus de trois fois. Le visage, la bouche, le nez, les bras, les pieds. Donc il a cité ici un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a fait l'oudo, il l'a fait en faisant trois fois, la meilleure façon, et à la fin il leur a dit c'est ça l'oudo, et celui qui ajoute à ça, faqad asa wa zalam. Asa, c'est-à-dire il a agi en mal, wa zalama, et il a commis une injustice. Thalithan al-israfu filma. Troisièmement, le gâchis d'eau. Même si on peut dire qu'en vérité c'est plus haram que makrouh. En fait, ça dépend du degré. Iz tawadda'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi muddin wal muddu hafnatun wal israfu fi kulli shay'in manhiyun 'anhu. Donc al-israf, sachant, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu avec un mudd. Al-mudd, c'est une poignée d'eau avec les deux mains pour un homme normal. C'est-à-dire il prenait de l'eau comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il prenait de l'eau, mais il utilisait un moud d'eau. C'est quoi, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, un moud, c'était une mesure qui était connue à leur époque. C'était un volume qui était connu. Quand ils allaient au marché, par exemple, ils disaient au vendeur, mets-moi un moud de date. Donc, ils pouvaient avoir des récipients qui étaient tous à la même mesure. Mais ils disent que le moud, à la base, ça vient justement de madda, qui veut dire tendre, et il équivaut à... au fait de prendre quoi que ce soit, des dates ou tout ce qu'on peut mesurer, ou de l'eau, avec ses deux mains. Et des savants contemporains disent que c'est un demi-litre. Bon, c'est quelque chose d'approximatif. Un demi-litre, il y en a qui disent plus, 750 millilitres. Ça dépend, mais en tout cas, on en comprend que il faisait l'eau avec peu d'eau. Avec peu d'eau, alors qu'il le faisait trois fois, qu'il avait des cheveux longs, qu'il avait une barbe épaisse, etc. Mais ça ne veut pas dire non plus que les savants, ils précisent, les fuqaha, ils précisent qu'il faut utiliser un moud. Si quelqu'un arrive à le faire avec moins, tant mieux. S'il doit faire avec un peu plus, il n'y a pas de problème. Le moud n'est pas un tahdid. C'est simplement Anas ibn Malik, radiallahu anh, il a rapporté ça. C'est-à-dire, il disait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait l'oudo avec un moud. Mais il n'a pas ordonné cela aux gens. Qu'est-ce qui est ordonné aux gens? C'est de ne pas faire de gâchis. Ensuite, il dit ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء إذا تركها يفوته أجر يجب الحرص عليه ولا ينبغي تفويته. Quatrièmement, il dit le fait de délaisser une sunna ou plusieurs sunna, c'est-à-dire s'habituer en fait à délaisser les sunan qu'on a vu dans le cours précédent, des ablutions. Il faut éviter ça, il faut essayer toujours en faire une ou plusieurs à chaque wudu, et le mieux c'est de toutes les faire à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est se priver de grandes récompenses. Ensuite, il dit « nawaqidul wudu ». Nawaqid, donc ça vient du verbe « naqadra », qui veut dire plus ou moins « défaire », « annuler ». Donc ici, « nawaqid », ça signifie les choses qui annulent l'wudu, qui annulent les ablutions. C'est-à-dire, quand je suis en état de, quand je suis tahir, qu'est-ce qui fait que cet état va être rompu et que je vais avoir le devoir de faire l'wudu pour la prochaine salah? Donc on appelle ça nawaqid, nawaqidul wudu. Al-awwal al-khariju min as-sabilayn. Premièrement, il dit ce qui sort des deux sabil, les deux chemins, c'est-à-dire les deux orifices. Donc c'est plus vaste que l'urine et les excréments. En fait, il veut dire par là tout ce qui sort de devant ou de derrière. Ça annule le wudu. Al-thani, zawalul aqli bi jununin aw irma'in aw sakr aw sukr. Deuxièmement, il dit le fait de perdre raison par la folie ou par en s'évanouissant ou par l'ivresse. Donc l'ivresse c'est haram, mais là on parle d'autre chose. En admettant que quelqu'un le fait, il perd l'eau. Là j'ai observé plutôt que il manque un gros truc ici. Qu'est-ce qui manque? Il dit non. Il dit zawal ou l'aql, le fait de perdre connaissance, bijounoun, sommeil. Bah ouais. Bijounoun, c'est quand on devient un genou, on fait une crise d'épilepsie ou une crise de djinn, vraiment. Ou irma, c'est quand on tombe dans les pommes. Ou soukra, c'est-à-dire l'ivresse. Non, et ils l'ont dit. Non. En fait, ça c'est des choses qu'on cite après. Normalement, la première qu'on cite, c'est non. Le sommeil. le sommeil qui fait perdre la raison, c'est-à-dire al-mustagriq, un homme al-mustagriq, c'est-à-dire le sommeil. Si c'est un sommeil qui te fait perdre la perception, c'est celui-là qui annule al-wudu. Si on parle de faire comme ça, somnoler un petit peu, mais pas au point où tu n'entends plus les gens autour de toi, par exemple, pas au point où tu rêves, pas au point où, par exemple, si j'ai mon livre dans la main et je somnole un petit peu, mais je le fais pas tomber. Quand il va tomber, je le sens. Là, je perds pas l'odo. Donc l'odo, je le perds quand je perds la perception, c'est-à-dire je dors au point de ne plus percevoir. Je capte plus qu'il y a des gens qui sont en train de parler autour de moi. J'ai un truc dans ma main, il tombe, etc., etc. C'est comme ça qu'en fait, on relie tous les hadiths. Parce que vous avez déjà lu des hadiths qui disent que le sommeil, ça a du lourd. D'autres qui disent que les sahaba, ils dormaient en attendant l'Aïcha. Ensuite, ils se levaient, ils priaient. Ben, c'est comme ça qu'on joint tous ces hadiths. C'est qu'en fait, les sahaba, ils étaient assoupis, mais ils ne dormaient pas réellement. Comme ça peut arriver. Chacun connaît ça. Ça arrive d'être assoupi, mais en fait, tu penses encore et tu captes encore. Mais ça fait du bien de rester comme ça, sans vraiment s'endormir complètement. Al-Thalith, donc en arabe ici il y a un petit mouchkil, il a mélangé le 3 et le 4, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il dit Thalith et après il dit Al-Khamis. Donc en fait là il y en a deux. Al-Thalith il dit Masu Zakari Adami. Ça c'est un, c'est une chose. Le fait de toucher le sexe d'un être humain, homme, femme, le sien ou celui d'un autre, etc. On va retenir comme ça, c'est plus facile. Toucher le sexe d'un être humain, ça annule l'oudou. Est-ce que le bébé, quand on change les couches, on retient oui, ça annule l'oudou. Comme ça, on retient la règle. Bien sûr, tout ça, il y a des discussions sur ça. Mais nous, pour faciliter la tâche, on retient. Toucher un sexe d'un être humain, ça annule l'oudou. Et voilà, comme ça, on le retient comme une règle et on est tranquille. Aou, ensuite il dit, Massul mar'ati rajula bishahwa. Ou il aurait pu dire, Aou massul rajuli mar'ata bishahwa également. En fait, le fait que l'homme touche une femme avec shahwa, ou que la femme touche l'homme avec shahwa. Qu'est-ce que c'est shahwa? C'est le désir ou le plaisir. C'est plutôt le désir, c'est pas le plaisir. C'est le plaisir, on aurait dit ladha. Le ladha, c'est après. Le shahwa, c'est ce qui pousse à toucher cette femme. Donc une femme, quelqu'un peut la toucher comme ça par accident, ou pour rigoler, ou c'est-à-dire en parlant de sa femme, etc. Et il peut la toucher bishahwa, c'est-à-dire parce qu'il a une envie sexuelle. Eh bien, le fait de toucher la femme avec shahwa, désir sexuel, ça annule l'urdu. Ça, c'est vrai chez la plupart des fuqara, et c'est basé sur le verset du Qur'an, qui dit « Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu » Si vous avez touché, si vous touchez des femmes, c'est-à-dire si quelqu'un touche une femme. Donc le verset, il parle juste de toucher, n'est-ce pas? Il ne précise pas le verset. Alors pourquoi on rajoute bishahwa? En fait, ici, la mastumun nisa, comment on peut le comprendre? On peut le comprendre toucher sans shahwa, on peut le comprendre toucher avec shahwa, et on peut le comprendre autrement encore. On peut le comprendre comme une kinaya, c'est-à-dire une image. Allah a dit toucher, mais il a voulu dire par là l'acte sexuel en lui-même. Et ça, c'était le tafsir de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il disait ici que Al-Lams, ici, signifie le jima'. Et qu'en fait, le verset, il ne veut pas dire que si vous touchez des femmes, vous devez refaire l'urdu. Il veut dire que si vous faites un jima', un rapport sexuel complet avec une femme, vous devez vous laver complètement. Il reste que d'autres sahaba, Ali et Ibn Mas'ud, ils disaient que ce verset, il veut dire al-massu bi shahwa. Ça veut dire toucher une femme avec désir. Donc ça implique de refaire l'urdu. Est-ce que ça se contredit? Ils ne se contredisent pas parce que le verset peut vouloir dire les deux. Le verset peut vouloir dire, si tu l'as touché avec désir, tu dois refaire l'urdu. Et si tu fais un rapport sexuel, tu dois faire le roussel. Mais qu'en est-il de simplement toucher? Simplement toucher, on ne va pas dire que c'est un ijma', mais quasi ijma', que simplement toucher une femme, ça ne demande pas de faire l'urdu. Et il y a seulement l'imam Shafi'i qui s'est isolé du reste des fuqaha en disant cela. Mais même des hadiths authentiques, ils montrent que c'est faux. Par exemple, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il priait, quand il priait la nuit, Aïcha, elle était allongée devant lui. Et comme la maison était petite, quand il se prosternait, il l'a touchée pour lui faire comprendre, c'est-à-dire redresse tes pieds. Et donc elle se recroquevillait pour qu'il puisse se prosterner par terre. Donc il l'a bien touché, en plus en pleine prière. Ça montre bien que simplement la toucher, ça n'annule pas le wudu. Maintenant, il reste cette question, est-ce que la toucher avec désir, ça annule le wudu ou pas? Donc c'est une question sur laquelle les savants ont divergé. Nous, on va rester sur ça. C'est-à-dire que ça annule le wudu. Parce qu'il n'y a pas de hadith qui le... Le seul hadith qui viendrait contredire ça, c'est le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses femmes et ensuite sortait pour prier à la mosquée. Mais ça, c'est un hadith que beaucoup de savants du hadith ont jugé comme n'étant pas authentique. De plus, parfois l'homme il peut embrasser sa femme sans désir. C'est juste un geste affectif, mais c'est pas un désir. C'est... Moi-même, j'ai pas noté le 1. Le 1, ça me fait penser au cours d'arabe, là, Mohamed. C'est ce qui sort des deux orifices. En gros, les urinés, les excréments et tout autre chose. Al-Khamis aklu lahmil ibil. Cinquièmement, manger de la viande de chameau. La viande spécialement. C'est-à-dire ce qui n'entre pas dans le nom viande, comme par exemple les intestins du chameau ou autre, eh bien, ce n'est pas compris dedans. Ou la sauce du chameau, qui était avec la viande. Ce qui annule l'eau, c'est la viande, spécialement la viande du chameau. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui se basait sur deux hadiths. Deux hadiths où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé, il a dit qu'il fallait faire l'eau quand on mange du chameau. Et l'imam al-Shafi'i disait, rahimahullah, si le hadith est authentique à ce sujet, alors il faut le faire. Et c'est pour ça que des grands imams de son madhab, comme al-Bayhaqi ou al-Nawawi, par la suite, ils ont dit, le hadith est authentique. Donc même si lui ne l'a pas dit, il faut le faire. C'est-à-dire même si l'imam al-Shafi'i ne l'a pas dit, mais dans l'idée, il a bien dit, s'il est authentique, il faut le faire. Et comme il est authentique, eh bien il faut le faire. As-sadis, sixièmement, kullu ma awjaba ghuslan awjaba wudu al-islam. Wa intiqali maniyin wa nahwihima illa al-mautu fa innahu yujibu al-ghusla dun al-wudu. Sixièmement, il dit tout ce qui oblige le ghusl oblige l'wudu. Comme le fait d'entrer dans l'islam ou comme l'éjaculation. Et il dit sauf la mort. C'est-à-dire quand quelqu'un est mort, on ne lui fait pas l'wudu. On commence par les membres de l'wudu quand on le lave, mais on ne lui fait pas l'wudu. On ne fait que le ghusl. Est-ce que ça veut dire que celui qui doit faire le ghusl, il est obligé de faire l'wudu? Comme on va le voir, non. Parce que avec la niya de faire le ghusl, l'wudu est compris dedans. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que quand tu as le hadath al-akbar, tu as aussi le hadath al-asrar. Je ne répète pas les explications de hadath akbar, hadath asrar, ce n'est pas nécessaire ici. Al-mas'alatu sabi'a, septième chapitre, fait le ghusl. Donc là, justement, on va parler du ghusl. Alors, il dit ta'rifu al-ghusl lughatan wa istilahan. Lughatan, al-ghusl bi-dhammi al-ma, wa bil-fathi al-fi'l, wa bil-kasri al-maddatu al-munadhifa. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le ghusl, c'est le ghusl, le fait de se laver complètement à l'eau. Quand on dit le ghasl, on a déjà expliqué, c'est le fait de laver. Quand je dis le lavage du visage, comment je dis? Je ne dis pas ghusl al-wajh, je dis ghasl al-wajh. Et le ghisl, c'est les matières qu'on utilise pour se laver et pour se nettoyer. On peut appeler ça ghisl, c'est-à-dire l'eau dans laquelle on a mis du savon, ça s'appelle ghisloun. Wa fi l'istilah, et dans le lexique, qu'est-ce qu'on entend par le ghusl? Ifadatu al-ma'i 'ala jami'i al-badani min qummati ar-ra'si ila qarari al-qadam bil-ma'i at-tahuri 'ala wajhin makhsus. Que veut dire le ghusl? Ifadatu al-ma', verser l'eau sur tout le corps, du haut de la tête jusqu'au bas des pieds, avec de l'eau tahur, pur et purifiant, d'une façon précise. والرجل والمرأة فيه سواء. Et l'homme et la femme sont égaux vis-à-vis du ghusl, c'est-à-dire leur ghusl est le même. إلا أنه في حالة الغسل من الحيض أو النفاس ينبغي أن تزيل أثر الدم تماما بمطهر له رائحة نفاذة على رائحة الدم. Et dit si ce n'est que la femme, quand elle fait le ghusl après الحيض, les règles, ou النفاس, les lochis, il faut également qu'elle nettoie le sang avec quelque chose qui fait disparaître le sang et qui soit odorant et qui a une odeur plus forte que celle du sang. Bon, à notre époque, de toute façon, avec toutes les matières qui existent, tout va disparaître. Mais c'était juste une précision. Il veut dire par là que la femme, elle doit faire attention, elle, à enlever le sang. Mujibat al-rusl. Qu'est-ce qui oblige al-rusl? Sittatu ashiya, six choses. Wahiya, khuruju mani al-mani dafaqan biladhati min rajulin aw imra'a. Il dit la sortie du mani. Donc on avait dit mani, c'est le sperme. En fait, des fois, je confonds le cours que j'ai fait là et le cours que j'ai fait à ce là. Donc, je ne sais plus si Mani m'a dit, j'expliquais. Donc, on a Mani Yun, Al Mani Yu, c'est le sperme. Et on a Al Mavi Yu. Donc, vous observez qu'on ne les prononce pas pareil. On ne dit pas Al Mavi Yu, on dit Al Mav, avec une soukoune sur le nez, Al Mav Yu. Et on a aussi Al Wad Yu. Le Wad Yu, Al Wadi, c'est un liquide blanc qui sort après l'urine chez certaines personnes. Donc celui-là, il est impur et il demande l'eau. De toute façon, il y a l'urine juste avant. Et Al-Mavi, on avait dit, c'est un liquide visqueux qui sort quand l'homme il pense à des choses sexuelles et tout ça. Celui-là, il est impur et il demande l'eau. Et Al-Mani-Yu, c'est le sperme. Donc il dit la sortie du sperme d'Afaqan, c'est-à-dire l'éjaculation. D'Afaqan, c'est-à-dire en éjaculant, biladha, avec plaisir. Pourquoi ils précisent en éjaculant et avec plaisir? Parce qu'ils disent qu'il existe des cas où le sperme il sort par maladie. Il coule en fait, et l'homme il ressent aucun plaisir. Dans ce cas-là, il doit juste faire l'ourdeau. Ça, ce sont des cas rares, mais c'est pour ça qu'ils le précisent. Ils disent en éjaculant et avec plaisir. Quand on dit avec plaisir, ça n'exclut pas celui qui éjacule en dormant. Même s'il ne va pas ressentir de plaisir, ça arrive qu'il ne ressente pas de plaisir, ou il le ressent, mais c'est dans un rêve. Et malgré tout, il doit quand même faire le roussel. Ce qui est voulu par là, c'est l'éjaculation. Il dit de l'homme et de la femme. Pourquoi la femme, elle éjacule? Oui, même médicalement, c'est avéré. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a bien dit que la femme également, elle éjacule. C'est un autre liquide que celui qui sort pour lubrifier, pour lubrifier pendant le rapport sexuel. C'est un autre liquide qui sort par la suite et qui joue dans la conception de l'enfant. Donc que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. C'est-à-dire que si la femme, elle fait un rêve, en fait, à quoi ça sert ce qu'on dit ici, de préciser la femme aussi? C'est que, comme elle demandait Soulaym, la mère de Anas ibn Malik, un jour elle a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la femme doit faire le rousse quand elle voit quelque chose dans son rêve? C'est-à-dire si elle voit qu'elle a commis un rapport dans son rêve. Il a dit, na'am, idha ra'atil ma. Il a dit, oui, si elle voit l'eau. L'eau ici, c'est-à-dire le liquide que la femme éjacule. Si elle le voit, comme l'homme, s'il se réveille et il voit du sperme, eh bien il doit faire le roussel. S'il fait un rêve érotique mais il n'éjacule pas, il n'y a pas de roussel. Ce qui est demandé, c'est l'éjaculation. Thaniyan. Alors là, ça c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Tariyibu hashafatin asliyatin fi farjin asli. Les mots asliya et asli, si vous voulez, vous les oubliez. Parce qu'en fait, ça soulève des questions qui sont rares. Vous retenez tarib ou hashafa fi farj. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, il veut dire le rapport sexuel, le coït, entre guillemets. Mais à partir de quand le coït, il implique de faire le rousse? Tarib al-hashafa. Al-hashafa, excusez-moi du mot, c'est le gland. En fait, quand cette partie de l'homme, elle disparaît dans le sexe de la femme, l'homme, il doit faire le rousse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, même s'il le fait, il se retire tout de suite. Eh bien, ils sont djounoub tous les deux. Et il fait ça et il se retire tout de suite, par exemple. Et il a rentré que ça. Tous les deux, ils sont djounoub. S'ils n'étaient pas mariés, tous les deux, ils sont dans le zina. Etc, etc. C'est-à-dire, toutes les règles du jima, elles vont découler ici. Donc c'est ça le jima dans la législation. C'est, on dit, dans le terme, c'est tarib. Tarib, ça veut dire faire disparaître al-hashafa. Al-hashafa, c'est le haut du sexe de l'homme. Pourquoi c'est important? Parce qu'il peut y avoir des gens qui pensent que s'il a un rapport, et puis d'un coup, le réveil, il sonne, alors il arrête, il se dit, bah, j'ai pas de roussel à faire, parce que j'ai pas éjaculé. Ben non. À partir du moment où il a pénétré, il doit faire le roussel. Donc le roussel, ça peut être l'éjaculation, et ça peut être seulement la pénétration. Et ça, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une mas'ala qui est intéressante, elle nous montre une mas'ala usuliya qui a rien à voir. Pourquoi? Parce que au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens l'interrogeaient à ce sujet, il leur ordonnait seulement de faire l'oudou. Au début, c'était une facilité. Et ensuite, ça a été abrogé. Il leur a dit, il faut faire le roussil. Et beaucoup de compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne savaient pas, ne connaissaient pas ce deuxième verdict. Et même quelqu'un comme Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le troisième calife, il disait aux gens qu'il suffisait de faire l'oudou. Lui-même ne savait pas que cette chose avait été abrogée. Et donc au tout début de l'islam, il y avait une divergence entre les sahabas sur ça. Une divergence qui était basée sur quoi en fait ? Manque d'information. Voilà. Dans le sens où certains d'entre eux, cette chose, ils ne le savaient pas. Et une fois que cette chose a été... c'est-à-dire certains ont expliqué qu'en fait ça c'était au début et qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le roussel et que ça s'est répandu, tous ont été unanimes. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que parfois on peut trouver un khilaf suivi d'un ijma. Donc est-ce qu'on a le droit de dire il y a un khilaf ? Non, il y a un ijma après, un consensus. C'est-à-dire le consensus il succède à un khilaf, mais il y a une explication à ça. Ce khilaf en fait il est, on va pas dire infondé, il n'est pas à prendre en considération. D'autant plus parce qu'il est suivi d'un ijma. C'est un peu comme je vous avais expliqué la question avec le deuxième adhan de Uthman au Jumu'ah. Quand Uthman l'a fait, Abdullah ibn Omar a divergé avec lui, il n'était pas d'accord. Une fois qu'Abdullah ibn Omar est mort, toute la Ummah était d'accord. Donc c'est tout, il n'y a pas de khilaf sur ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a pas, l'avis d'Ibn Omar n'a pas été perpétué. Il n'y a pas, par exemple, le madhab Shafi'i qui dit que c'est une bid'a de faire de adhan au Jumu'ah. Toute la Ummah l'a accepté, ce qu'a fait Uthman. Donc c'est tout, c'est un ijma. Donc ça, c'était les deux plus importants. C'était ces deux choses, l'éjaculation et la pénétration. Ensuite, il dit « Iza mat al-muslimu wajaba tarsilu illa shahid al-ma'rakati fi sabilillah » Troisièmement, lorsqu'un musulman meurt, il est obligatoire de le laver, sauf le martyr de bataille, shahid al-ma'raka. Pourquoi il précise le martyr des batailles ? Parce que dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple celui al-mabtoun, celui qui meurt d'un mal de ventre, il est shahid. Celui qui meurt parce que sa maison s'écroule sur lui, il est shahid. La femme qui meurt à l'accouchement, elle est shahid, c'est-à-dire martyr. Celui qui meurt d'un incendie brûlé, il est shahid. Ça, c'est dans le sens où ils ont la récompense du shahid. Mais ils n'ont pas le degré du shahid, le shahid tel qu'on l'entend. Et c'est seulement le shahid du premier sens qu'on ne doit pas laver. On doit le laisser tel quel et on l'enterre avec ses vêtements. Après, qu'est-ce qu'il dit ? Islam ou kafirin asliyan ou murtaddan. Le fait qu'un non-musulman entre dans l'islam. Et là, il dit kafir, asli. Qu'est-ce que ça veut dire asli ? Ça veut dire qu'il n'est pas né de parents musulmans, entre guillemets, dès le départ, ou murtaddan, ou apostat. C'est-à-dire qu'il était musulman, il a apostasié et il revient à l'islam. Donc dans ces deux cas, il doit. Donc là, il dit que c'est obligatoire, ça c'est l'avis de l'imam Ahmed. C'est que le roussel, pour celui qui entre dans l'islam, il est obligatoire. C'est-à-dire qu'il doit se laver complètement. Ça c'est l'avis de l'imam Ahmed, d'autres simplement le recommandent. Et autour de quoi tourne cette question ? En fait, c'est qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un sahabi qui s'était converti, Qais ibn Asim, ordonnez-lui de se laver complètement. Et les autres vont dire, ah mais cette chose-là, elle n'est pas répandue, alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des dizaines de milliers de gens qui se sont convertis à l'islam. Donc si le roussel il était obligatoire, il y aurait plus de hadiths que ça à ce sujet. Ça serait plus connu. Donc vous voyez comment parfois le regard des savants, il peut, et va-t'en dire qui a raison dans tout ça. Allahu a'lam. C'est difficile de trancher. D'un côté, on a un hadith clair, et d'un côté, on a plutôt un point de vue avec du recul. C'est-à-dire, certes, là, il l'a ordonné, mais qu'en est-il de tous les autres ? Pourquoi c'est pas plus répandu, le fait de leur avoir ordonné cela ? Dans tous les cas, il reste mashrou'. C'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'il reste, qu'on dise qu'il est obligatoire ou qu'il est simplement recommandé, ça reste de toute façon mashrou'. C'est-à-dire quoi mashrou'? Légiférer. C'est-à-dire ça reste à faire. Khamisan wa sadisan, al-haydu wa nifas. Cinquièmement et sixièmement, al-haydu ou un nifas, les règles, et un nifas, ils disent les loshi, j'espère que c'est une bonne traduction. Donc, al-hayd, ce sont les règles, et un nifas, c'est les saignements qui succèdent à l'accouchement. Donc, la femme va avoir une période de saignement. Quand cette période est terminée, elle doit faire le roussl, comme pour al-hayd. Ensuite, il a cité min al-arsal al-mustahabbati fil islam. On va s'arrêter avec ça, inshallah, parce que encore le roussl, c'est pas fini. On aura fait à peu près la moitié. Il dit donc donc en arabe, pour ceux qui ont l'arabe, vous voyez min al-irtisal, vous enlevez le ta. C'est pas al-irtisal, c'est al-arsal, parce qu'il a dit al-mustahabba. Al-mustahabba, c'est le na'at de arsal, pas l'irtisal. Sinon, ce serait al-irtisal al-mustahab, sans le ta. Donc, min al-arsal al-mustahabbati fil islam. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Al-arsal, c'est le pluriel de roussl. Quels sont les roussl, entre guillemets, les roussl qui sont recommandés dans l'islam, qui ne sont pas obligatoires? Donc, il dit roussl yaoumi al-jumu'a, le roussl du vendredi. Sachez que le roussl du vendredi, il est recommandé chez les quatre imams. C'est-à-dire que dans les quatre écoles, et même les contemporains de ces imams, tous étaient d'accord pour dire qu'il est seulement recommandé. Donc certes, il existe un hadith qui dit « Ruslu yawmi al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim ». Le rusl du vendredi est « wajib » à toute personne pubère. Et nous, d'habitude, comment on comprend « wajib » ? Obligatoire. Mais « wajib », ça veut dire obligatoire dans le Coran ou dans les livres ? Quand on dit sunna, ça veut dire recommandé. Dans le Coran, sunna, ça veut dire recommandé. Dans les hadiths, sunna, ça veut dire recommandé. Non. La sunna, c'est la sunna. C'est l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit, après, dans le lexique, dans la terminologie des juristes, ils ont pris le mot sunna pour dire ce qui est recommandé. Ça, c'est que dans... Eux-mêmes, ils le disent. Ça, c'est dans notre discipline. On va employer ce mot de cette façon. C'est ce qu'on appelle une terminologie. Donc, wajib, on sait que dans la terminologie des fuqaha, ça veut dire obligatoire. Mais est-ce qu'on peut comprendre un hadith avec la terminologie des fuqaha? Non, parce que le hadith, il précède la terminologie des fuqaha. Et que veut dire wajib? Alors dans ce cas-là, eh bien, wajib, on peut le comprendre comme obligatoire, et on peut le comprendre comme fortement recommandé. Il y a pas, on ne peut pas trancher comme quoi c'est l'un des deux. Et ce qui nous permet de trancher et de dire que c'est l'un des deux, qu'est-ce que c'est? Ben, comme dans beaucoup d'exemples, comme dans le Coran, quand parfois le Coran il est entre guillemets ambigu, à quoi on revient? Notamment à la sunna. Bah aussi la sunna, quand parfois elle est ambigu, à quoi on revient? On regarde les sahaba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et les tabi'in. Or, Abdullah ibn Abbas et Aisha radiallahu anhuma, ils disaient que le rousse du Jumu'a il est recommandé, mais qu'il n'est pas obligatoire. Il n'y a aucun autre sahabi qui les a contredits sur ça. Donc, le rousse du Jumu'ah, il est une sunna mu'akkada, il est fortement recommandé. Ensuite, il dit rousse l'ihram, le rousse avant de faire l'ihram. L'ihram, c'est entrer en état de sacralisation pour le hajj ou la umra. Al rousse l'iman rassal al mayyit, le rousse pour celui qui a lavé un mort. Bon, on ne va pas détailler cette question, on va garder ça, se laver pour celui qui a lavé un mort. Au minimum, il doit faire le wudu. On va dire, parce que c'est rapporté de plusieurs sahaba, ils disaient aux gens de faire le wudu quand ils avaient lavé un mort. Quant au fait de faire le rousl, il y a des discussions à ce sujet. Rousloul Aïdain, pour chaque Aïd, comme c'est rapporté de Ali et autres. Iza afaqa min jununin aw irma, lorsqu'il reprend connaissance après al-junun. Al-junun, c'est la folie. La folie, on peut dire aussi l'épilepsie, par exemple, ça rentre dans le junun. Aw irma, ou après avoir perdu connaissance, après le coma ou après s'être évanoui, c'est recommandé de faire le roussl. Ce qui est obligatoire, c'est le wudu, et c'est recommandé de faire le roussl. D'où est-ce qu'il le ressort, ça? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, quand il perdait connaissance, quand il se réveillait, il demandait qu'on le lave entièrement, qu'on verse sur lui de l'eau. Un roussl d'ukhuli Mecca, le roussl avant d'entrer à la Mecque, comme l'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est lavé avant l'ihram et il s'est lavé avant d'entrer à la Mecque. Quand on dit laver, c'est-à-dire le lavage religieux. Al-irtisal ou li salati kusufin ou istisqa. le fait de faire le rousse pour la salade de l'éclipse ou la salade de l'istisqa, dans laquelle on demande la pluie. Ghuslul mustahadati li kulli salah. Le rousse de celle qui subit des hémorragies constantes pour chaque prière. C'est-à-dire la femme qui a des hémorragies tout le temps, en dehors des règles. Elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire l'ourdou à chaque salah. Mais si en plus elle a la force de faire le rousse, c'est bien. Mais ce n'est pas obligatoire. Li kulli ijtima'in mustahab. Et il dit enfin pour toute réunion recommandée. C'est-à-dire que, comme pour le Jumu'ah, ben à chaque fois qu'en fait les musulmans se réunissent, en fait, il veut dire par là les choses qui ont déjà été citées, l'Aïd, Salat al-Kusuf, de l'éclipse, etc., etc. Après, donc, on verra les conditions du roussel, et puis comment, surtout, c'est ça le plus important, c'est comment faire le roussel. Donc, on va passer au hadith. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est pareil pour le fiqh, il faut vous ouvrir, il faut lire, il faut aller regarder ailleurs, il faut répéter, d'accord ? Tout ce que vous trouvez de bon, il faut le prendre. Donc moi, je ne vais pas vous reparler encore du site, c'est pas la peine, mais... Non, et c'est même pas recommandé, non, ça n'existe pas. Non. Celui qui le porte. Non. Bah en fait, même le revend. En fait, il y a un hadith qui existe. Man rassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. C'est un hadith, Allah a'lam, qui est daif. Donc, la preuve qu'il est daif, c'est qu'on ne trouve pas chez les fuqaha quelqu'un qui a dit celui qui porte le mort, il faut qu'il fasse l'oubou. C'est la preuve qu'ils ne l'ont pas pris en considération. Donc, oui, je vous disais, lisez ce que vous pouvez. Lisez La voix du musulman, d'Abou Bakr al-Jazairi, parce que c'est en français, enfin en arabe et en français. Lisez ce que vous trouvez. Et s'il y a des choses qui ne correspondent pas, on peut en discuter aussi. Alors. Donc nous sommes arrivés au hadith, pour moi c'est 1475. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن مسعود عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم. Donc ça c'est un hadith très court mais qui soulève de nombreuses choses mais de grandes choses. Que dit le hadith? Celui qui indique un bien a la même récompense que celui qui le fait. Le hadith, il est simple à comprendre. Si tu apprends à quelqu'un à faire l'ourdou, à chaque fois qu'il fera l'ourdou, tu auras sa récompense. Il a sa récompense et tu as sa récompense. Tu donnes un livre à quelqu'un, il entre dans l'islam, tout ça, ça va être dans ton compte. Imaginez-vous. Etc, etc. Tes enfants, tu leur apprends à faire ça là, tout ça, c'est dans ton compte. Donc à chaque fois que tu montres un bien, que ce soit aussi par les actes, montrer, ça peut être aussi par ton attitude. Et ça peut être par la parole, ça peut être en tendant un livre à quelqu'un, en lui donnant un cours enregistré. Il y a de nombreuses façons de montrer le bien. Eh bien, celui qui le fait, il a la récompense de celui qui va faire ce qu'il lui a indiqué. Ça nous montre le mérite du ilm. D'ailleurs, l'imam Nawawi, rahimahullah, dans Riyad Salihin, il a mis ce hadith dans Kitabul Ilm. Alors qu'en apparence, ce hadith, il ne parle pas du ilm. Pourquoi ? Parce que tu ne peux montrer que si déjà tu sais. Donc c'est bien de savoir le plus possible pour pouvoir montrer et gagner le plus de récompenses possible. Et donc, bien sûr, ce hadith, il nous encourage à le faire. Ensuite, il dit An ibn Omar radiallahu anhuma, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال Man ista'adakum billahi fa'a'idhuh, wa man sa'alakum billahi fa'a'atuh. وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَدْعُوا لَهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْحَقِي. Donc ici il dit أَخْرَجَهُ الْبَيْحَقِي, alors que le hadith il est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i. Donc la logique c'est que quand un hadith il est rapporté par Al-Bukhari Muslim et Abu Daoud par exemple, on ne dit pas rapporté par Abu Daoud, on dit d'abord Al-Bukhari Muslim, parce que s'il est dans le Bukhari Muslim, on n'a pas besoin de discuter de son authenticité. De même, s'il est rapporté dans Abu Daoud, Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah, c'est-à-dire ce qu'on appelle les quatre sunan, et qu'il est aussi rapporté dans les autres livres, qui sont d'une importance moindre, comme Al-Bayhaqi ou autre, ben on ne dit pas rapporté par Al-Bayhaqi, on dit rapporté par Abu Daoud. C'est-à-dire que même quand on fait Azwul Hadith, on dit d'où vient le Hadith, il y a un certain ordre. Ce n'est pas des choses obligatoires là, ce qu'on est en train de dire, mais c'est une sorte de logique. Abu Daoud, déjà dans le temps, il précède Al-Bayhaqi. Et son livre, il est beaucoup plus important que celui d'Al-Bayhaqi. Donc là, il a dit rapporté par Al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi, il était dans les années 400. C'est bien après les auteurs des grands livres de hadith. Mais, malgré qu'il était dans les années 400, il a écrit un livre de hadith comme les autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire comme les autres? Un livre qui est mousnad. Un livre qui est un asl. Dans le sens où, quand il rapporte un hadith, il y a la chaîne de transmission entre lui et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Abu Daoud, comme Al-Bukhari. Alors qu'il est venu bien après. C'est-à-dire que même à son époque, il continuait de rechercher les hadiths et de les enregistrer avec leur chaîne de transmission. Et c'est un hadith, un livre qui a un grand intérêt. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'imam Al-Bayhaqi, il l'a rempli de hadiths et également des paroles des sahaba. C'est les deux. C'est des hadiths et des hadiths des sahaba. Au point où son livre, il contient à peu près 22 000 hadiths. Pour vous donner un exemple, Abu Daoud, c'est 5 000. Al-Bayhaqi, c'est 22 000. C'est un livre énorme. Bref, que nous dit le hadith ici? Il dit, celui qui vous demande protection par Allah, alors protégez-le. C'est-à-dire, celui qui vous demande d'être protégé, et il vous le demande par Allah. Par Allah, protège-moi. Contre des gens qui me poursuivent, contre ceci, contre cela, à condition qu'il soit bihaq, c'est-à-dire qu'il soit dans son droit. S'il est poursuivi par quelqu'un parce qu'il lui doit de l'argent, et l'autre il veut juste lui demander son argent, et alors que lui il a de quoi lui rendre, là il n'est pas dans son droit d'être protégé. Donc on parle ici de quelqu'un qui demande à être protégé alors qu'il est, donc il subit une injustice, il est poursuivi de façon injuste. Ça peut être même de toi-même, c'est-à-dire il te demande de te protéger de ton propre mal. Il te demande, s'il te plaît, épargne-moi, par Allah. Il te demande par Allah. Donc quand il te le demande par Allah, pour vénérer Allah, eh bien, il faut répondre à sa demande. Et la suite dit, et celui qui vous demande par Allah, alors donnez-lui. Également pour vénérer Allah. C'est-à-dire, s'il a été jusqu'à demander par Allah, eh bien, là il faut donner même quelque chose qui est peu, mais il faut le donner par respect du nom d'Allah. Et celui qui vous fait un bien, man ata ilaykum ma'roufan, ma'roufan ici c'est dans le sens, hein, un bien, fakafi'u, alors rendez-lui l'équivalent. Et si vous ne trouvez pas, priez pour lui, fad'oula. Donc ça signifie que le musulman, quand quelqu'un lui rend service, quand quelqu'un lui fait un bien, il doit chercher à rendre ce bien. Et les fuqaha ont expliqué et ont accepté le fait que ce soit par exemple un émir, un chef, un dirigeant, un gouverneur qui te fait un bien. Bah, tu ne dois pas chercher à le rendre, parce que là c'est quelque chose de... c'est par rapport à sa position, c'est quelque chose qui est plus ou moins normal. Par contre, tu ne t'abstiens pas de lui faire de A. Donc il dit, et si vous ne trouvez pas d'argent, pas de cadeau, pas de rien à lui donner, ou pas de service à lui rendre, eh bien, la deuxième étape, fad'oula, alors invoquez pour lui. Et la version complète du hadith, c'est qu'il dit, hatta taraw, ou hatta turu, on peut le dire des deux façons, hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Invoquez pour lui jusqu'à ce que vous pensiez que vous lui avez rendu l'appareil. C'est-à-dire, faites des doigts pour lui jusqu'à ce que vous vous disiez, c'est bon, j'en ai fait assez pour lui par rapport au bien qu'il m'a fait. Donc, il ne faut pas oublier au minimum de faire doigts pour la personne. Et ce qui est bien, c'est de les faire devant lui. C'est-à-dire, ce qui ressort du hadith, c'est de le faire en face de lui. Comme dans le hadith qui dit de lui dire, Jazak Allahu khayra. C'est bien en face de lui qu'on va lui dire qu'Allah te récompense par le bien. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans la sourate Al-Layl. Donc quelle est la sagesse de cette chose-là? Bien, c'est la dignité. La dignité du musulman, c'est qu'il est reconnaissant. C'est pas quelqu'un, on lui fait du bien, puis après il s'en fiche. Il n'oublie pas les gens, il est reconnaissant envers les gens. Et également, ça pousse les gens ça pousse à ce que la bienfaisance, elle se multiplie entre les gens. Ça ne va pas d'une direction, mais voilà, celui-là il fait un bien, l'autre il lui rend, et ainsi de suite, et au point où le bien il se multiplie entre les gens, les uns vers les autres. Ensuite il dit, rahimahullah, babu zuhdi wal-wara, chapitre sur az-zuhd. Az-zuhd, souvent on le traduit par l'ascétisme, mais ce n'est pas vraiment l'ascétisme. Az-zuhd, on va expliquer ce que c'est, on va le laisser comme ça, zuhd. Parce que je ne vois pas un mot qui lui convient. Wal-wara. Al-wara, on pourrait le traduire, si je suis pas, si je ne me trompe pas, par le scrupule. Donc on va, avant de commencer les hadiths de ce chapitre, on va expliquer que veut dire az-zuhd et que veut dire al-wara. Donc je vais vous les expliquer par rapport à ce que le shir qui a commenté le livre a cité comme, comme définition. Donc déjà il dit qu'il précise que ce soit les anciens, les salafs ou les savants en général, ils ont donné beaucoup de définitions différentes et diverses sur ces deux notions qui sont az-zuhd et al-wara. Même si bien sûr toutes leurs définitions elles reviennent à un même sens. Donc par exemple, il a cité quelques paroles ici. Az-zuhd huwa an-nazar ila ad-dunya bi'ayn az-zawal li tasghura fi 'aynayk fayasghul 'alayka al-i'rad 'anha. Donc il dit, Ibn al-Jala a dit, donc Ibn al-Jala, je ne vous cache pas que je ne connais pas, il dit, le zuhd signifie regarder ce monde bi'ayn az-zawal, c'est-à-dire en le voyant comme quelque chose qui va disparaître, pour qu'il devienne petit à tes yeux et qu'il te soit facile de t'en détourner. Voilà comment ce cheikh ou ce savant, pourquoi je dis ce cheikh ou ce savant, parce qu'il arrive que ce genre de paroles, on les cite de grands zuhad, sans que ce soit des savants. Parfois dans certains livres, comme les livres d'Ibn al-Qayyim, on cite les paroles des zuhad, des ubbad, qui étaient connus. Mais ce n'étaient pas forcément des ulama. Des ulama tels qu'on l'entend, c'est-à-dire du fiqh, etc. Mais en tout cas des ulama d'Allah, c'est-à-dire des gens qui avaient la bonne conception de ce bas monde et de la vie future. Donc il explique ainsi az-zuhd, regarder la vie d'ici-bas comme quelque chose de passager, pour ensuite t'en détourner facilement. Un autre parmi les salafs disait Uzuful qalbi an ad-dunya bila takalluf. Il dit c'est détourner son cœur de ce bas monde, mais sans takalluf. Takalluf, c'est le fait de faire des manières. Le fait de takalluf, c'est comme par exemple se forcer, comme ils faisaient les soufis par exemple, se forcer à mettre des vêtements de laine pour que ce soit dur. Alors que les sahabas, ils se sont pas forcés à mettre des vêtements durs. Ils mettaient les vêtements qu'ils trouvaient, selon leurs moyens. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدا؟ On a demandé à l'imam Ahmed, un homme qui a 1000 pièces d'or, est-ce qu'il peut être un zahid? C'est comme si nous on disait un millionnaire, est-ce qu'il peut être zahid? فقال نعم على شريطتي أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. Il a dit oui à condition qu'ils ne se réjouissent pas quand ils augmentent et qu'ils ne soient pas tristes quand ils diminuent. C'est-à-dire, s'il est très riche, ça ne le rend pas heureux qu'il soit plus riche. Et il n'est pas malheureux si sa richesse, elle diminue. Donc là, on parle d'un quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui n'est pas riche, il ne faut pas te dire « Ah, je ne suis pas un zahid parce que je suis à découvert et je suis triste. » Non, parce que toi, si tu es à découvert, ce n'est pas pareil. Tu sais que tu vas galérer à faire tes courses, à acheter à manger pour tes enfants, à payer tes factures. Donc c'est normal que tu sois triste. Voilà, il faut bien qu'on remette les choses dans leur cadre. C'est normal que tu sois triste parce que tu ne vas pas pouvoir faire les besoins élémentaires. Là, on parle de quelqu'un qui a 1000 pièces d'or. Donc il dit, si ça ne le rend pas triste qu'elle diminue, c'est un zahid, même s'il a 1000 pièces d'or. وَقَالَ Ibrahim ibn Adham. Donc Ibrahim ibn Adham, justement, c'est un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure. Si je ne me trompe pas, il était des tabi'in. Il était connu pour ces choses-là. Sans être connu pour être un alim. Il disait az-zuhdu thalathatu asnaf. Le zuhd est de trois sortes. Zuhdun fard, wa zuhdun fadl, wa zuhdu salama. Une qui est obligatoire, une qui est fadl, c'est-à-dire en plus, et une qui est une sécurité. Fa'amma zuhdu al-fard fa zuhdu fil haram. Il dit le zuhd obligatoire, c'est le zuhd vis-à-vis du haram. Le haram, on est obligé de s'en passer. De zuhd, ça veut dire de s'en passer. Parce que j'ai oublié déjà de vous dire que le mot zuhd veut dire se passer de quelque chose, se détourner d'une chose, laisser tomber une chose. Délaisser, voilà, barakallahu fik. Délaisser. Donc le haram, on est obligé d'être zahid vis-à-vis du haram. Ensuite, il dit, wa zuhdul fadl, zuhdu fil halal. Le zuhd en plus, qui est bien, c'est le zuhd vis-à-vis de ce qui est licite, pas de ce qui est haram. On va comprendre après qu'est-ce que ça veut dire. وَالزُّهْدُ السَّلَامَ الزُّهْدُ فِي الشُّبُهَتِ. Et le zuhd qui est une salama, salama ça veut dire que si tu le fais, tu seras sain et sauf, tu vas être en sécurité, tu vas être sauvé. C'est le zuhd vis-à-vis des choses ambiguës. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهِ الزُّهْدُ تَرْكُ الرَّغْبَةِ فِي مَا لَا يَنْفَعُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ. قال ابن القيم هذا من أحسن ما قيل في الزهد. Ibn Taymiyyah رحمه الله il disait, Ibn Taymiyyah, sachant que Ibn Taymiyyah vous connaissez tous, parce que on parle de lui dans l'aqida, on parle de lui dans les différentes sciences, mais à côté de sa science, Ibn Taymiyyah c'était un grand zahid, un grand abid, c'est-à-dire il fait partie de la liste des grands zuhed de l'islam, des grands ascètes de l'islam. Il disait az-zuhd c'est tarkur-rahba, c'est-à-dire ne pas aspirer à, ne pas vouloir ce qui n'est pas utile dans l'au-delà. Les choses qui ne te sont pas utiles dans l'au-delà, eh bien, tu ne cherches pas après, tu les délaisses. C'est ça le zuhd. Tout ça, c'est un niveau. On va voir que le wara, c'est un niveau qui est en dessous de ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, manger, ça t'est utile dans l'au-delà, parce que tu es obligé de manger pour survivre, pour adorer Allah, pour rester en bonne santé, te marier également. Donc ça ne veut pas dire se passer des choses qui sont nécessaires. Mais au-delà du nécessaire, tout ce qui ne va pas t'être utile dans l'au-delà, donc il n'a pas dit dans le dunya, ça peut être bien dans le dunya, mais ça ne va pas te servir dans l'au-delà, tu t'en passes. Donc ça, bien sûr, c'est un degré. Nous, on doit, déjà nous, à notre niveau, on doit parler des choses qui sont en dessous de ça. Mais il n'y a pas de mal à ce qu'on comprenne. Ibn al-Qayyim disait, ça fait partie des meilleures définitions du zuhd. Des meilleures définitions qui ont été données au zuhd, celle de Ibn Taymiyyah. Ensuite, il a parlé donc de al-wara. Donc pareil, je vais vous citer quelques paroles. Soufiane al-Thawri. Soufiane al-Thawri, c'était un grand imam à l'époque de l'imam Malik. Un des grandes figures, un des grands noms de l'islam. Il disait, donc là on ne parle plus de zuhd, on parle de al-wara. Wara, c'est le scrupule. Il dit ma ra'aytu ashala min al-wara. Il dit j'ai rien vu de plus simple que le wara. Ça peut être choquant ça. Parce que le wara justement c'est les choses les plus dures. Il dit j'ai rien vu de plus facile que le wara. Ma haka fi nafsika fatrukhu. Ma haka fi nafsika, c'est-à-dire ce qui te crée un doute en toi, ce qui crée un doute en toi, laisse-le. En fait, il veut dire facile dans la forme. C'est facile, c'est-à-dire sa définition elle est facile. Tout ce qui te crée un doute, tout ce qui est ambigu, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, c'est licite ou c'est pas licite, laisse-le. C'est vrai que vu comme ça, c'est très simple. وقال بعض السلف لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا أو حذرا مما به بأس. Un autre disait, l'être humain ne peut atteindre la vraie taqwa que s'il délaisse ce dans quoi il n'y a pas de mal, de crainte de tomber dans ce dans quoi il y a du mal. C'est-à-dire il va délaisser des choses qui sont halal, de crainte de tomber dans des choses qui sont reprochables. Là, il aura atteint la vraie taqwa. Ibn Taymiyyah disait, rahimahullah, al-wara'u al-mashru'u tarku ma qad yadurru fi ad-dar al-akhirah. Il dit le wara' qui est légiféré dans l'islam, c'est de délaisser ce qui peut être nuisible dans l'au-delà. Et le cheikh, l'auteur du livre, il explique, il dit فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمُحَرَّمَاتُ وَالشُّبُهَاتُ لِأَنَّهَا قَدْ تَضُرُ. Il dit donc ça implique de délaisser les choses qui sont haram et de délaisser également les choses ambiguës, parce que les choses ambiguës peuvent, comme elles sont ambiguës justement par définition, c'est possible qu'elles soient illicites. Donc elles peuvent être un danger dans l'au-delà. Ensuite il dit également Ibn Taymiyyah وَالْوَرَعُ الْمَشْرُوعُ هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله. Donc il dit en fait le wara c'est de délaisser ce dont tu pourrais craindre les conséquences. Donc il dit c'est ce qui est haram clairement ou ce dont tu doutes qu'il soit haram et dont le délaissement n'est pas plus préjudiciable que le fait de le faire. C'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, on va comprendre par la suite. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le cheikh Abdallah Al-Farzan, il a expliqué ça. Il dit c'est comme quelqu'un, par exemple, il a... il a une dette, ou son père a une dette, et on lui demande cette dette. Et lui, il a de quoi rendre la dette de son père. Mais les biens avec lesquels il peut rendre la dette, dedans il y a une choubha. Donc on n'a pas dit qu'ils sont haram clairement. Il y a une choubha, ils sont ambigus par rapport à la façon dont il les a gagnés. La façon dont il les a gagnés, elle est ambiguë. Donc les biens, ils sont ambigus. Donc il va dire, non, par wara, je ne vais pas rembourser la dette. Alors que là, qu'est-ce qui en dépend? Il en dépend l'honneur et la zimma, c'est-à-dire la conscience de son père. Si son père il est mort, c'est encore pire. Parce que si son père est mort, il est suspendu à sa dette. Donc là, il va soi-disant être scrupuleux et laisser son père suspendu à sa dette. Non, dans ce cas-là, il n'y a pas de... Il y a une choubha, certes, mais là, il n'y a pas de choubha. Il faut que tu rendes la dette. Donc, en fait, il veut dire par là que parfois, le wara, il est mal. Il peut être mal placé. Tu fais preuve de wara, alors qu'il y a une chose qui est plus importante en contrepartie. Ensuite, il dit, ça, je vais vous le lire. Donc, désolé si c'est un peu long, mais c'est trop bénéfique. Il dit, « وَتَمَامُ الْوَارَعِ أَنْ يَعْلَمَ الْإِنسَانُ خَيَّرَ الْخَيْرَيْنِ وَشَرَّ الشَّرَّيْنِ. » Il dit le wara complet, c'est de savoir le meilleur des deux biens et le pire des deux maux. C'est-à-dire qu'il faut savoir peser aussi entre les... Avant de dire j'ai du scrupule, il faut savoir peser. Entre le bien et le mal, le bien et le bien, quel est le plus important, et le mal et le mal, quel est le pire des deux. وَيَعْلَمَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا عَلَى تَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا. Et qu'il sache que la sharia, c'est-à-dire la religion, la loi islamique, elle est basée sur le fait de tahsil al-masalih, de réaliser, d'acquérir les intérêts, c'est-à-dire tout ce qui est bon, et de les compléter, s'ils sont déjà là, de les achever. Et d'annuler tout ce qui est mauvais, tahsil al-mafasid, tout ce qui est mauvais, de le faire disparaître, de l'annuler, ou taqliliha, ou alors si on ne peut pas l'annuler, de le diminuer. Wa illa faman lam yuwazin ma fi al-fi'li wa al-tarki min al-maslahati al-shar'iyyati. والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع. Il dit, si on ne comprend pas ça, celui qui ne pèse pas les choses entre faire et ne pas faire, et qui ne sait pas distinguer le bien, l'intérêt dicté par la religion et le mal dicté et rejeté par la religion, il peut délaisser des obligations ou faire des choses qui sont haram en prétendant l'ouara, en prétendant avoir du scrupule. Et il conclut en disant, donc c'est la dernière chose que je vais vous lire en arabe, « وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الزُّهْدَ أَعْلَى مِنَ الْوَارَى. » Il dit donc, on en comprend que le zuhd, c'est au-dessus du wara, du scrupule. « لِأَنَّ الْوَارَعَ تَرْكُ مَا يَبُرْ وَالزُّهْدُ تَرْكُ مَا لَا يَنْفَعْ. » Il dit, car le wara, c'est de délaisser ce qui est nuisible. Et le zuhd, c'est de délaisser ce qui n'est pas utile. C'est-à-dire, dans le zuhd, tu vas laisser encore plus de trucs que dans le wara. لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةُ أَنْوَعَ مِنْهَا مَا يَضُرُّ فِي الْآخِرَةِ وَمِنْهَا مَا يَنْفَعْ وَمِنْهَا مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ. Il dit, car les choses, elles sont, on peut les classer en trois sortes. Les choses qui sont nuisibles dans l'au-delà, qui vont te nuire après la mort. Les choses qui vont être utiles après la mort. Et les choses qui vont être ni utile ni nuisible. فَالْوَارَعُ يَتْرُكُ مَا يَضُرُّ فِي الْآخِرَةِ. فَالْوَارِعُ plutôt, parce que celui qui a le wara, on l'appelle wari. فَالْوَارِعُ يَتْرُكُ مَا يَضُرُّهُ فِي الْآخِرَةِ. Donc le wari, lui, il délaisse ce qui lui sera nuisible dans l'au-delà. وَالزَّاهِدُ يَتْرُكُ مَا لَا يَنْفَعُهُ فِي الْآخِرَةِ. Et le zahid, celui qui fait zuhd, lui, il délaisse ce qui ne va pas lui être utile dans l'au-delà. وَالَّذِي يَضُرُّهُ يَتْرُكُهُ min babi aula. Et ce qui lui est nuisible, bah, il le délaisse a fortiori. Wa alayhi fa kullu zahidin wari', wa laysa kullu wari'in zahidan. Donc tout zahid est wari', mais tout wari' n'est pas zahid. 1h20 quand même. Hein. Bon, on fait un dernier hadith ou pas? Enfin, c'est le premier du chapitre. Vous voulez ou pas? Ouais. Ouais. plus un hadith important, mais il est simple à comprendre et à expliquer. On ne va pas trop s'étendre. Donc il dit, Rahimahullah, An Nu'man ibn Bashirin, radiallahu anhu, qad. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. Donc النعمان بن بشير quand il a rapporté ce hadith, il a montré ses oreilles pour dire je l'ai entendu directement dire, c'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم, إن الحلال بين. Le halal, c'est-à-dire ce qui est licite, est clair. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Manger, c'est halal ou c'est haram? C'est halal. Vendre, acheter, c'est halal ou c'est haram? C'est halal. Se marier, c'est halal ou c'est haram? C'est halal. Voilà, le halal, il est clair. Les grandes choses, elles sont claires. Wa inna al-haram bayyin. Et le haram, l'illicite, il est clair. Zina, c'est haram ou halal ou haram? Voler, tuer. Voilà, les choses, elles sont claires. Ça, c'est haram. Ça, c'est halal, ça, c'est haram. Les choses, elles sont claires. Mais le problème, il dit ensuite, wa baynahuma mushtabihat. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Et entre les deux, il y a des choses ambiguës. Mushtabih, ça vient de shabah. Pourquoi elles sont ambiguës? Parce que dedans, il y a un shabah. Il y a des choses qui les font ressembler au haram et des choses qui les font ressembler au halal. Donc, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Beaucoup de gens, c'est-à-dire la plupart des gens, ne les connaissent pas. Quand on dit ne les connaissent pas, ça veut dire quoi? Ne savent pas si elles sont halal ou haram. Parce que ces choses ambiguës. En fait, elles sont halal ou haram. Ambigu, ce n'est pas un jugement en soi-même. Auprès d'Allah, dans les choses ambiguës, il y en a qui sont halal et il y en a qui sont haram. Mais pour les gens, elles sont mushtabihat. Et c'est qui les gens nombreux, les autres gens, les gens peu nombreux pour qui ce n'est pas mushtabih? C'est ceux qui ont l'ilm. Plus la personne a de ilm, moins les choses sont ambiguës. Parce qu'il peut... avec son ilm, avec son savoir, il sait dans quelle case mettre les choses. Donc, que faire? Le halal, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Le haram, il ne faut pas le faire, il n'y a pas de problème. Mais il y a une troisième catégorie qui est ambiguë, qui est problématique. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré que faire. Il dit, « Famanit taqa shubuhat. » Famanit taqa, celui qui craint, celui qui se protège, celui qui évite les shubuhat. Shubuhat, c'est-à-dire les choses ambiguës. فَقَدْ إِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ aura protégé. إِسْتَبْرَأَ يَعْنِي طَلَبَ الْبَرَأَ. Il a mis à l'abri sa religion et son honneur. Sa religion, parce qu'il est sûr de ne pas faire de haram, puisqu'il ne fait pas les choses ambiguës, et son honneur, parce qu'il peut faire une chose qui est ambiguë, mais la plupart des gens dans la société dans laquelle il vit, il la considère comme haram. Donc il va mettre son honneur à l'exposer aux critiques. Or ça, c'est blâmable dans la religion. L'honneur, il est important. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Et celui qui tombe dans les choubouhats tombe dans le haram. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que celui qui tombe dans les choubouhats, bah comme les choubouhats, on a dit certaines elles sont halal, certaines elles sont haram, et lui, il ne sait pas. Donc forcément, s'il les fait, il en fait plusieurs. Il y en a certaines qui seront haram, forcément. Donc il va tomber dans... D'autres, elles seront halal, donc il n'y a pas de souci, mais d'autres, elles seront haram. Donc il va faire du haram sans savoir. Pour lui, c'était ambigu. L'autre sens également, c'est que en s'habituant au shubuhat, à force, il va tomber dans le haram. C'est-à-dire en étant laxiste avec les shubuhat, après, il va tomber dans... Elles vont le rapprocher du haram. Comme il disait un savant, le shubuhat, aqaba. Les shubuhat, c'est une pente vers le haram. Si tu la gravis, tu tombes dans... Haram. Donc il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite donne un exemple. Ça c'est son habitude. Il cite quelque chose de théorique et il l'illustre par quelque chose de physique qu'on peut s'imaginer pour qu'on comprenne mieux. Donc il dit Karra'i yara'a hawl al-hima yushiku an yaqa'a fi. Comme al-ra'i, comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos, d'un endroit protégé. Donc, s'il veut être sûr que les moutons ne sautent pas dans l'enclos protégé, ou ils ne passent pas en dessous, ou qu'il n'y ait pas une brèche, qu'est-ce qu'il fait? Il va rester loin de l'enclos. Plus il s'approche de l'enclos, plus il joue avec le feu, et plus il risque de tomber dedans, c'est-à-dire que ses moutons, ou ses animaux en général, aillent dedans. Et là, il tomberait dans l'interdit. Donc c'est comme si il y a un espace qui est licite, mais cet espace, bien c'est un pont, c'est une porte vers ce qui est illicite. Ala wa inna li kulli malikin himan. Il dit, et sachez que tout roi a un enclos protégé. Ala wa inna himallahi maharimu. Et l'enclos d'Allah, ce sont ses interdits. C'est-à-dire dans l'image qu'il a donnée, l'enclos, c'est les maharim, les choses qu'Allah a interdites. Ensuite, il dit, pour nous montrer que la base de tout ça, c'est ici. Et que il faut que tu fasses attention à ça, au cœur. C'est-à-dire que il faut faire attention à tout ce que tu fais, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends, parce que ça peut toucher à ton cœur, et ton cœur, c'est lui dont dépend le reste. Il dit, Ala wa inna fil jasadi mudratan. Il dit, et certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. Idha salahat, salahat jasadu kullu. Si ce morceau est bon, tout le corps est bon. C'est-à-dire, si le cœur est bon, toutes les actions seront bonnes. Le corps ne fera que des bonnes actions. Wa idha fasadat, fasad al jasadu kullu. Et quand ce morceau est mauvais, c'est-à-dire quand le cœur est mauvais, tout le corps est mauvais. C'est-à-dire, toutes les œuvres derrière en découlent et seront mauvaises. Ala wa hiya al qalb. Et certes, ce morceau est le cœur, muttafaqun alayh. Donc ce hadith, à quoi il encourage? Il encourage à éviter les choubouhat. Donc il n'y a aucun doute que ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est quelque chose de difficile. Parce que des choubouhat, plus on est ignorant, plus il y en aura. Plus il y a des choses dont on ne va pas savoir. On ne trouve pas toujours quelqu'un pour nous dire une réponse. Et parfois même on nous donne des avis différents, donc on ne sait pas. Donc les chouboîtes, plus tu es ignorant, plus les chouboîtes, elles sont nombreuses. Et je dirais même, plus tu apprends un petit peu, plus elles sont nombreuses aussi. Parce que quand tu apprends, mais pas jusqu'à arriver au stade final, bah après, ton aim, il te donne beaucoup de suppositions. Ouais, mais il se pourrait que, parce que tu as appris telle chose, etc. Donc, les chouboîtes, elles se multiplient. Et le chemin demandé pour se sauver, c'est de délaisser toutes ces chouboîtes. Donc il n'y a aucun doute que ça va te demander de laisser beaucoup de choses. Beaucoup de paroles, beaucoup d'actes, beaucoup de transactions, beaucoup d'achats, etc., etc. Donc c'est le wara. C'est ça le wara dont on parlait tout à l'heure. Parce que là, on ne parle pas de laisser des choses qui sont inutiles. Là, on parle de laisser des choses qui sont nuisibles. C'est-à-dire qu'il y a un risque qu'elles soient nuisibles. Et le wara, c'était une des qualités chez tous les savants musulmans. C'est-à-dire dans tous les salafs, si tu lis leur biographie, tu trouveras chez chacun d'entre eux des grandes marques de wara, avec plus ou moins chez les uns et les autres. Et le hadith, donc, il nous encourage à faire attention à son cœur. Attention à parce que c'est lui dont découle la réussite de l'être humain. Et le fait que l'être humain il soit bon ou il soit mauvais. Nas'alullah azza wa jal an yufaqihana fi d-din wa nas'aluhum huda wa tuqa. والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Vous êtes libre.